Ah, bonjour, madame. Bonjour. L'anniversaire se continue ici au chalet. Ah, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Oui, nous sommes un petit peu en retard, mais en ce jour commémoratif, nous avons été fouillés à l'entrée du studio, ce qui a pris un peu de temps. Et encore des bulles dans le champ. Est-ce que Jacques finit, hein, vous l'entendez derrière moi, Jacques qui finit tout ce qui traîne. Et Cahouette. Ah, dimanche 11 septembre 2011, c'est du rugby, c'est la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est le PTP Boucherie-Charcuterie réuni contre le Canevas. Et qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font, TF1? On s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer. On a le son de la télé, on a tout. On est en train de se faire défoncer de tous les côtés au niveau sonore. Est-ce qu'on peut retrouver un peu de calme et de sérénité aux États-Unis? Ah oui, c'est le 11. Le 11 septembre, tout peut s'étendre. D'ailleurs, c'est couché que nous faisons ce match. Je vous rappelle, c'est depuis le lit, nous sommes tranquilles. Et moi, je me caresse l'embute. Alors, c'est quoi? C'est la pub ou pas? Il suffit de récupérer peut-être la zappeuse, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as, la zappeuse. Ah. Non, j'en ai une derrière là-bas, j'en vois une. Oui, je vois ça, oui. Bassin. Alors, on va voir, parce que visiblement, nous ne sommes pas sur la bonne chaîne. Ah si, nous avons le jour du saignant sur France Télévisions. Et là, nous avons le match Coupe du Monde, mais pour l'instant, nous cherchons. C'est bien sur TF1, je suis désolé, s'ils ont balancé de la pub, ils nous préparent au monde de demain, un monde avec de la pub. Shame on you TF1, shame on you. Et ça va démarrer avec monsieur, on a eu du mal à le trouver, l'arbitre. Oui, alors je vous laisse le tag à la soin de faire le nécessaire, le trousse de secours pour le nom d'arbitre. Jacky, bonjour. Bonjour Jacques. D'ailleurs, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le nom de l'arbitre, vous allez nous le transmettre, le nom de l'arbitre, par message interposé, pendant les 5-10 premières minutes de cette confrontation, où nous transmettez les noms d'arbitres qui vous viennent en tête, et nous choisirons celui qui nous inspire le plus. Voilà, hein, parce que là, laissez-moi, madame. Et donc, nous avons à faire un match du premier tour. Les bouchers sud-africains sont là. Là, on voit Djokovic, là, qui est prêt à tout casser, tout gagner, à tout emporter, à tout... Oh là là, le prince Charles va se faire tirer les oreilles, je pense que là, ça va être terrible. D'un côté, alors c'est ça, ça va être, d'un côté, je vous le dis, la boucherie, le PTP, la démolition en série. Et de l'autre, ce sera les gazelles galloises, hein, le pays de gazelles. Attention. Laisse-moi me rhabiller, Jean-Louis, quand même. Mon chéri, laisse-moi me rhabiller. Attention, dans quelques instants, voilà. Barbie foot, Barbie rugby, attention, Barbie rugby. Oui, qui fait time shift, time moi. Time shift, si vous voulez, je crie, vous faites. Time gueule. Mais qu'est-ce qu'ils font à se cacher les uns derrière les autres? Time shift. Oui, fan shift. À la tienne. Ah, bravo, Jacky. Hein. Vous étiez au point, mais pas au but. Ah, ben d'entrée, ce sont les... Banaba. Ah oui, oui. Non, c'est... Abana. Ou Abana split. Peut-être. Ouh, avec Jean-Pierre Rive. Hans Burger. Ah. J'ai bien apprécié. Oh là là là là là là là. Alors, vous l'avez compris. Il y en a côté en vert. Alors, oh là là, en vert référence. Sud, hein, c'est ça, l'Afrique du Sud, le pays d'en bas. Et qui revient de loin. Et le pays de Galles, le pays du côté. Mm-hmm. Alors, tu m'as pas fait ton time shift habituel. Hein. J'ai fait le time shift dimanche matin, 11 septembre 2011. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Salut, monsieur. Oui, bienvenue, puisque vous êtes déjà 1430 à vous être connecté ce matin pour nous suivre. Bravo. Pour avoir les infos, hein, on écoute tout de suite les infos. On est même obligé aujourd'hui Non, c'est un peu fort, les infos, les gars. Baissez le son, hein, parce que j'ai l'impression que ça arrive... Ça arrive costaud dans les oreilles. Oui, nous finissons de régler, hein, pour tout vous dire. Nous rangeons même les bouteilles. C'est Gohan, vous avez entendu ce Gohan? Ah, écoutez, je suis allé acheter les croissants, j'ai acheté le journal et en même temps j'ai pris une Auto Bianchi à 112 à 350 euros seulement, 138 000 km diesel. Une auto blanchie, hein. Car même les autos peuvent être blanchies. Ah, première mêlée à l'avantage du Reds of Wales. Non, Jacques, non, ça va pas durer l'avantage parce que regarde qui joue immédiatement, ce sont les Sudaf. Ouais, oh là là, avec banana split, toujours. Non, il te fait splitter surtout. Oh, ouverture avec Mac Johnson. Mac Johnson. Qui est au sol, hein, qui est bon au sol, Johnson. Pas, commençons pas les publicités clandestines. Ça. Non, non, arrêtez, arrêtez. Merci. Alors, ils sont déjà là, hein, les Sud-Africains. Ça risque de tourner au niveau de 102-103-0. Ça tourne au rugby, hein, pour l'instant. En tout cas, regarde, on tourne les mêlées, mais c'est aussi une technique pour passer, je dirais, au niveau rugby, hein, au V1. Hein? Alors pour tout vous dire, Jacques a la tasse de café dans une main, il se gratte de l'autre et en gros il ne regarde même pas la télé. Un premier essai peut-être sud-africain avec sûr. Jean-Peter Jevant du Versuizen qui transmet la balle magnifiquement à son satané putain de talonneur qui s'écroule et transmet au partenaire. Les Springboks sont déjà là à 5, 6, 7, 8 mètres de l'embu gallois. Ah, les Springboks. Et du côté c'est gallois, je vois un chevelu barbu là qui m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait, ce grand fou? C'est ça, on reçoit la TNT dans cette équipe d'Afrique du Sud, ouais. Là, voilà, avec la 8. Oui. La 8 qui passe en direct. À la 8 en direct. En direct, effectivement. Et go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la défense. René la défense qui vient de marquer dans le cours. Oui, moi ce soir, Johannesburg. On va voir ça au ralenti. Mais effectivement, c'est Johannesburg. Que je salue. Mais de loin. Jean-Louis, merci. Hein, il fallait se lever de bonne heure. Ben, écoutez, vous pouvez vous recoucher. Ce match est terminé. Les Sud-Africains l'ont emporté. 44 335 à 0. Je me demande pourquoi on demande l'arbitrage vidéo. Nous sommes, nous, que de simples amateurs. Et nous avons vu en direct que cet essai était valable. Oh, je pense que c'est pour habituer le public, les joueurs, les spectateurs, les téléspectateurs et peut-être sa femme. À la vidéo. Jusqu'à là, tout est bien. On peut surveiller les pieds. Hein. Mais regarde, le pied, il revient à l'intérieur et avant de se faire propulser, il y a goal, tout simplement. Il avait, oh, il oui. avait son ange gardien derrière. Oui, on il le y voit. A Banana Split hein. qui vient se mettre dans, ouais. dans la coupelle, Banana Split. C'était le dessert et c'est donc pour les Sud-Africains. Regarde le 15. Hein. C'est un arrière, on dirait un seconde ligne, mec, tu m'as compris. Ah, moi, je n'ai qu'une ligne à DSL. Je ne comprends pas ceux qui ont une seconde ligne. Oh, c'est une équipe contre qui j'aimerais pas jouer, Jacques. Hein, le Sud-Africain. Ils sont champions du monde. Ah oui, en titre. Attention. Ouais, attention. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Précisons tout de même, un peu de précis. De Borz. Ah, on revoit ça gentiment, ouais, l'action. Avec Björn Borg et Jimmy Connors, là, qui... Ouais. Ouais. Oui, qui en morde, hein, qui en morde le ballon, la terre est battue, mais... Jimmy Connors, sa femme, hein, bien évidemment. Mais le joueur se relève. Et vous faites les marioles sur la puissance sud-africaine, mais c'est avec un arrière qu'il marque l'essai. Même s'il marque comme un avant, c'est quand même une... Ouh là là, l'antilope, ouais, enfin, tire sur l'antilope, Jacques. Vous dites ça, mais normalement, au rugby, les arrières sont des pièces maîtresses en attaque. Oui. Oui, alors, écoute, je suis en train de penser à ce que la chasse est ouverte aujourd'hui, la transformation est réussie, 7-0 pour l'Afrique du Sud, et vous allez voir, la chasse est ouverte, dès que vous voyez une antilope sur l'écran, vous n'hésitez pas, vous canardez, hein. Et bien sûr, vous êtes déjà nombreux à nous féliciter pour notre anti-podcast, c'est-à-dire, vous pouvez télécharger les mi-temps que vous auriez loupés ou que vous auriez adoré, que sais-je, ou l'inverse. Ou les deux ensemble, hein, sinon vous pouvez également tout mettre en paquet comme ici avec... oh là là, ouais, ouais, Muretta. Alors, Raymond Burr, hein, l'homme d'acier qui vient de se mettre en bas. Raymond Johannesburg, c'est une famille. Oui, oui, je te prête au rien. Ouais, bien sûr. Je te prête à rien. Je suis aux abouaires. Et un premier message qui vient de nous arriver, c'est Machados qui nous dit Bamos. Alors il n'a rien compris, Machados. C'est pour l'arbitre, le nom de l'arbitre, c'est monsieur Bamos. Bamos. D'accord. Obamo, hein, bien évidemment. Oui. Oh là, il y a monsieur Trident. Jean Trident. Ah, l'incisive est foireuse, ouais. Mais finalement il récupère le ballon. Gal. Oui, non, parce que Gal peut être un régal, ouais. Si j'ai pu dire. Il sort la Gal. Il sort la Gal. Tout à fait, le gallo. Ah, mais, oh, mais regarde le gallois, il n'est pas si frêle que ça, puisqu'il va lui aussi, il avance avec sa puissance, mais il perd la balle, quel dommage pour les... Non, c'est pas terminé, oui, joli, vas-y, concours. Intervention de monsieur Bamos pour l'instant, mais le nom peut changer dans les 10 minutes qui suivent. Monsieur Enjoy, j'ai vu, monsieur Enjoy, c'est pas mal. Attention, Jean-Louis. Hein, interdit au moins de 16. Regarde, le barbu gallois m'intéresse beaucoup, Jean-Louis. Je voudrais des informations sur le barbu gallois. Je vous sers un vinyle, Jackie. Merci, oui. Un frais, hein, s'il vous plaît, servez-moi un vinyle frais, voire un vinyle fraise. C'est une jungle encore, les gars. Oui, oui, c'est arrêter, encore arrêter les photos des pubs, pubs, hein, les gars. Vous êtes sales. Le matin, vous êtes vraiment sales. Aux côtés du maire de la ville. Peut-être, mais vous êtes sales quand même. Sortie Springboks. Ouais, Sprung. Ah oui, Sprung Hero. Eh oui, là, c'est le touche. Ouais, ce n'est pas Grand Zero, c'est Spank Zero. Ouais. Ici, on voit. On dirait de Castelnaudary, où je vous retrouve. Oui. On étudiera votre cas saoulé, car vous l'êtes encore non dessoulé. Merci, Chucky. Oh, ouh, là, bon, ça pousse ouais. Sur le crâne. Ouais. Alors que vous le voyez, Robert Smith est là pour le Gall. Attention au contre sud-africain. Ouais. Le Gall, le coup. Ouais, ouais c'est bon. Ah, ça, c'est pas mal. Et bonne prise de Gall. Ouais. Ah oui, ah, mais c'est vrai que quand. Attends, du côté gallois, on rigole, on s'amuse. Bon, mais il y a du bon. Tout à l'heure, c'est quand même très depuis 4-5 ans une équipe qui fournit de jeunes joueurs pétillants, sémillants, techniques et magnifiques. Et joueurs, surtout, très joueurs. Ah, c'est leur boulot. Ils sont joueurs. Ils sont brillants, le rugby. Il ne peut pas le prendre en l'air. Oh, l'œuf. L'œuf était trop frais. L'œuf d'autruche, très gros, très difficile à capter. Petit contre gallois. Et là, on va chercher en cuisine. Merci, Jacques. Jacques se lance, hein, vous l'avez compris, depuis quelques temps, dans la cuisine. Il découvre. La batterie de cuisine, hein, précisément. Sens du rythme de la nourriture, l'alimentation. Que nous sommes, Radio Sportaz 733. Et déjà 7 minutes 4, 5 de jeu. 733 ah, minutes. Pardon, 4. Et 7-0, alors tout est ensemble. 7-0, 733. Appelez-moi James. Alors écoute, je vais approuver. Hein. Bamos, ouais. Bamos, c'est donc Massados qui nous a envoyé le premier message de cette journée. Introduction. Ah non, on nous signale Monsieur Levrette aussi, mais ça c'est ça. Je ne vois pas ce que on ça peut, vient faire. Est-ce qu'on peut le lire à l'envers? Attention, je passe derrière l'ordinateur et je surveille ça. Ouais. Le ballon est gallois. Oh allez, la loi, oui, gallois, oui, c'est gallois. Hein. C'est pas gaulois, hein, gallois. Avec Claude Guéant hein, qui vérifie les papiers de ces deux équipes en même temps. Ouh, Griezmann. Oui, Guéant vert, hein, même on peut le rappeler. Et là, il ne s'agit pas du tout d'une publicité. Ballon dans les pieds du prince Charles. Prince ouais. Charles qui se fait défoncer par la patrouille sud-africaine. Mais Charlie. On continue. Charlie maintenant. Charlie zéro. Charlie zéro. Charlie bravo qui transmet. Il s'infiltre. Il commence à passer dans les lignes adverses. Gal qui joue. Holy. Ah oui. Non, mais il faut pas. On vous a fait peur au début en vous disant que les Sud-Africains allaient tout défoncer, mais le Gallois va le faire courir, ce Sud-Africain, l'épuiser. Et ensuite, il pourra, par les ouvertures trouvées, aller lui défoncer l'en but. C'est tout ce que je lui souhaite. Allez, ouverture galloise dans le camp sud-africain. Donc, belle réaction du team européen, on va dire, hein, puisqu'ils sont tous d'Europe. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'on a, oui, arrêtez-le. L'arbitre a du mal à passer, là, lui aussi, il veut accéder au solde. Oui, ce sera une pénalité pour les Gallois, oui, il met tout, hein, dans le même panier, Jacques aussi, d'ailleurs. C'est une pénalité pour la Prince de Galles qui s'est fait ramasser. On va revoir ça à Jean-Louis au ralenti. Regarde, si tu vois une antilope, hein, Jacques, sur les ralentis, tu tires, hein, tu canardes. Et ceci est très important. Merci. On va dire ça, mais je ne suis pas sûr. L'antilope est-elle en danger? Water Spanguero qui porte l'eau hein, maintenant, désormais. L'antilope est en danger, oui, Jacques. Oui, non, oui, le grizzly. Le grizzly, ah, non. Ah oui, le bas la chaussette, de le bas de chaussette en le soi. Le bas de contention, ouais, aussi. Ouais, étant étendu. je ne savais pas qu'il portait le bibas, ce joueur de rugby. Alors, donc, j'ai la télécommande. Hein, donc, Jackie, je peux zapper le jour du Seigneur dans quelques instants. Le jour du Soigneur hein, sur France Télévisions. Voilà, il y a trop de souffle. Dieu, il y a du vent. Dieu, qu'il y a du vent. Pénalité pour Prince de Galles. Il ne s'est rien passé si ce n'est ici un petit objet un peu sphérique, un peu conique. Un peu allumé. Il va pas tarder à m'arriver. Attends, un peu à rallumer. James, ah, James, oui, hein, qui profite oui. Donc de 3 points sûrs. C'est 3 points sûrs, là. Je veux dire, ils sont bons en bottes. Ben, en fait, je sais pas, on n'est pas. Attention, hier, on était dans un stade où les buteurs étaient complètement à la rue. Non, là, c'est du bon botteur. C'est du bon botteur. Bon botteur. Du bot people. Aussi. Bot beat boot. Il est là, Ron Taziev, il est venu supporter l'équipe de Galles avec la Calypso. Excusez-moi, je suis sur Radio Nostalgie. On dit à Wales ou à Wales? À Wales. À Wales, ouais. James Wales. À Wales. René Wales. Eddie Wales. Wales. Oh, ta girl. On va remonter par Relance verte avec mini-vert. Mais il fait le maxi, le maxi truc. Ils sont deux obligés là. Ils s'aiment. Hein. Ils s'aiment les joueurs. Deux rouges pour un vert, hein, c'est un peu ça. C'est ou ça, un vert pour deux rouges. Oui, beaucoup. Oui, mais regarde, mais ils sont bien les Gallois. Ils sont super bien. Oui, Kevin. Ah, oui, avec les... Maintenant, Michel Platini qui récupère la balle pour les Springboks. Il échappe au placage. C'est magnifiquement fait. Oh oui, on contrôle du pied finalement. Oh là là, quelle dextérité. Quel joueur magnifique. Mais il s'est fait projeter en touche. Voilà, le dalala, il m'a... Jean-Louis, sors de moi là maintenant, s'il te plaît. Il a pris deux mois de congé, il pourra pas en prendre plus. Mm-hmm. Lui, il est... Non, je pense qu'il est trop. Il est trop lourd pour un poste d'arrière. Il est trop costaud. Lourd. Regarde, il est antidote, pan. Ah, pas vu, pas pris, pas tiré. Et là, il y a eu des fautes. En plus, on met la main au sol. On est au sol, on est tout au sol. On peut rien bouger normalement quand on est au sol. Non, normalement, quand tu n'es plus sur tes appuis, Jacques, tu ne peux plus faire acte de jeu. C'est bon, t'es dead, quoi. Ouais, t'es dead. Ah ouais, ben, ballon récupéré par la formation galloise. J'aime ce qui se passe sur cette pelouse. Balle en profondeur, mais elle ne va pas sortir dans les 22. 21, 20, 20, 20, 19, 0, 0, c'est le score. Il a perdu la balle. Et les Gallois l'ont. S'ils peuvent encore tenir. Avec Barbuman. Oui, c'est vrai que Barbuman, effectivement. I'm Barbuman. On l'appelle le loupé barbu. Mais attention, il y a 7 pour l'Afrique du Sud et 3 pour le Pays de Galles, contrairement au 0-0 que j'ai annoncé, mais c'est le score qu'il y a toujours pour le match de demain. Alors Jacques, je voudrais te surprendre et te prendre. Hein, sur attention, l'antilo, attention là. Aussi, la chasse. C'est une aussi, non? C'est une. Ah non, l'aussi, c'est l'Australien. C'est l'Australien. L'autre Australien. Très exactement. On voit ce qui s'est passé sur cette action. On est calme au départ. Et puis là, on s'antilope. On s'antilope. Le chasseur a fini le boulot à la main. Il n'avait plus rien dans la. Au karaté. Ouais, dans la carabine. Et là, apparemment, c'est une mêlée. Il y a beaucoup de mêlées pour l'instant dans ce début de match. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'accrochages, beaucoup de fautes techniques. Plutôt de ça. Déchets. Non, plutôt ça. Plutôt voilà, du déchet, de la faute technique, plus que de l'accrochage sur la mêlée, Jacques. Nous avons quelques vapeurs qui remontent partiellement. Rassurez-vous, normalement le docteur doit venir à la mi-temps. 12 minutes 24 secondes. Et combien se sont-ils réveillés ce matin pour nous écouter, Jacques? 7h30, il y avait déjà 10 auditeurs à la porte du studio Chalet de Sport. Car les bars sont ouverts, d'ailleurs, vous avez remarqué. Regarde Saint-Cyprien sans vouloir faire de publicité, mais quand même. Par exemple, mais il y a d'autres bars ouverts. Ouais, mais déjà, non, pas trop comme ça le matin, fais attention, les gens se réveillent quand même. Ah bon? Tu les embrouilles, tu les détends, tu les embrouilles, arrête. Ce sera donc, on la joue cette mêlée là où il y a fait une minute là. Non, je vous dis, il y a un petit problème là au niveau du sol, hein, l'inclinaison n'étant pas tout à fait bonne, c'est bon, on a trouvé un endroit plan, stable, plané, plat et planifié, stable, Jacques, démerde-toi. Belle sortie de balle pour les Gallois qui recule pas du tout. Oui, bel avantage pour le Pays de Galles qui va bénéficier, bien évidemment, d'une pénalité s'ils ne vont pas laisser. Debout. Il est capable d'aller laisser ce grand fou. Les autotampons. C'est les autotampons. Oui. Oui, mais en tout cas, on a toujours le ballon galon. En direct de la fête foraine ici, donc à Bozelle, pour l'instant, il y a une superbe ambiance et pénalité signalée par monsieur, dont nous n'avons toujours pas le nom. Nous hésitons entre monsieur Bamos, monsieur Gingembre. Ouais, monsieur Levrette, non, monsieur Levrette. On l'a mis derrière. Mais, de il côté, là, enfin. Le loupé barbu. Ah! Attention, Jean-Louis. Et oui, le plaquage, oui, non, c'est l'étrangleur de Pretoria qui a tenté une fois de plus de quelle horreur. Et en plus, il essaye encore de lui prendre l'oreille et tout. Ouais. C'est regrettable. C'est du poids welter spangéon. Si on n'a pas beaucoup cité aujourd'hui, on n'en a jamais parlé pendant 30 ans. Et là, d'un seul coup... Si, mais tous les 10 ans, on en parle. Oh. Effet de génération, alors que là, c'est le temps de semer. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée Oswin Tower. Oui, ok, James Cook. Avec mon mini-moi. Attention, James Cook et sa batterie, bien sûr. Ouais. Car il fait des tournées partout dans le monde, lui et sa batterie. Il est seul, on va dire. Mais non, il a sa batterie vivante avec lui. Que des légumes. Et que du vert. Et que du bio. C'est parti, Galman. Galman a sparti te per 13 points. Gol, gol, non pas gol. 13 points. Ouh, a eu chaud, chaud, ballon a fait droite, gauche, gauche, léger, passé entre barres et... Non, non, c'est pas tout à fait comme ça que se présente. Et c'est pas accordé. Et c'est pas accordé, tu vois. Non. Non, c'est pas accordé. Attendez. Mais on n'a pas les mêmes yeux. Qu'est-ce qu'il demande? La télé ronde, il demande la télé ronde. Mais non. Non, non, il faut regarder ces images, il me semble que ce ballon est passé. Mais non, pour une fois qu'on l'a vu, que ça rentrait. Ah non, peut-être qu'en fait il est revenu après les poteaux, effectivement il est revenu dans l'axe des poteaux. Quoi? Je suis obligé de tout quoi. Je savais que ça allait vous faire peur ça. Le ballon est remonté comme un grand fou dans les airs néo-zélandais, dans l'espace aérien de cette petite île que je vais aller savater tout seul avec mon petit coucou. Attention, les Gallois sont là. Comment ça, tous les, les aéroports ne sont pas fermés aujourd'hui en ce grand chambardement? Demande, ça va tout péter, ça va tout péter. Non, non, Jacques, ne dis pas des choses comme ça. Le ballon est dégagé par les Sud-Africains. Je veux juste dire quelque chose. Depuis qu'ils ont marqué leur essai, les Sud-Africains, Jacques, on ne les voit plus beaucoup dans le jeu, en fait. Regarde ça, le ballon là, effectivement, peut-être qu'il passe à côté là, à ce moment-là, et qu'ensuite il revient dans l'axe des poteaux. On peut considérer que c'était pas mal jugé par les arbitres. Ah bon? Ça n'est pas goal. C'est un état de finesse que j'irai vérifier. En tout cas, les Gallois sont restés respectueux of the decision of the referee. Louis de fitness, hein, De fitness, oui, bien écoute, sûr. On écoute un peu Louis de fitness ce matin. Louis. Ça va, c'est correct. Alors, ça s'appelle un arrêt de voler, Jacques. Hein, alors, oui, d'accord. Voilà. Bon, enfin, normalement, quand on... de l'arrêt de voler, mais quand on vole, on se fait arrêter. Dans quelques cas. La vie est bien faite. Par contre, là, il y a eu un sacré dégagement de ouais, celui-ci. Oh, moi, j'ai dégazé, effectivement. On a Pierre Ménez hein, qui est dans les tribunes. Ouais, ouais, on voit ça gentiment. Qui a arrêté sa carrière. Ce alors, c'était ça. Hein, ils n'ont pas eu 3 points parce qu'il a tiré vraiment pas du tout dans les poteaux. Transformation complètement loupée. C'est vrai. Ce sera une touche au bénéfice, non, l'arbitre. Non, si c'est une touche au bénéfice donc des Sud-Africains avec ce monster. Écoutez, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trois dents là, oui, peut-être, mais il y a surtout du vent, hein, ce qui fait que le match est plus rapide. Il y a du vent, c'est quoi, du vent, vous là hein. Derrière, dans mon dos. Non, il n'y a rien du tout. Non, nous avons le ventilateur, effectivement, pour nous rafraîchir un peu la gueule et le reste. Mais l'instant, tout va bien. 7-3 pour les Sud-Africains. Ce qui est bien, banana quand même. Banana split qui remonte. Oh là, banana split. Dans la coupelle, oh, ça va rebondir et là ça peut se jouer. Il a foutu le merde, mais le capitaine Cook est là. Gallaghan, yeah, tout seul là. Il peut la donner, c'est magnifique. Oh, Galloway. Pas d'en avant, continue à jouer les gars. Oh, il a failli être contré, Galloway, mais c'est récupéré bien sûr par les petits verts. Petit vert avec Little Two. Oh là là, Jean-Pierre Riesburger. Jean-Pierre Brive. Brise. Et c'est parti. Ah, ça y est, ça s'agite un peu sur la pelouse. Et 17, 18 minutes de jeu ici. Oui. Nous sommes où d'ailleurs, Jacques? On n'a pas un... Wellington. Comment? Very Wellington Stadium Junior of State Building. Merci. Merci, je ne demandais pas autant de précision. C'est, hein, oui, c'est Wellington. Intervention de monsieur, dans quelques instants, vous l'aurez le nom de cet arbitre. C'est une pénalité au bénéfice des Sud-Africains. Heineken et Barbie, on a vu là-bas. Ah, la tienne. Avant que ce soit Heineken et Barbu. Elle est toujours, ça l'est toujours. Là, il se passe un truc, on voit le TFC. Regarde les crampons, oui, c'est un joueur du TFC là qui va taper cette pénalité. Bravo, Jacques. Oh non, non, mais alors le sportif est quand même assez extraordinaire. Il arrive à se changer d'équipement et à changer de discipline. Oh là là, Jean-Pierre Riesburger, regardez-le. Oh, l'antilope a été bien défoncé par un chasseur gallois. Hey, mais regarde ça. Hey. Pour ce qu'il serait. Oh. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Ralenti, Jean-Loup. Pété, il faut être courageux. Il faut. Il pèsera. Quand tu dis ralenti, Jean-Loup, ça veut dire que tu loues des ralentis, Jacques, c'est ça. Hein. En tout cas, ce tir du Marcico. TFC, peut-être. C'est Marcico hein, qui va tenter oui, donc, peut-être, cette transformation. Très important. Il est borné, c'est terrible. Déconnez pas, c'est parti dedans, lui, dedans, c'est là, c'est dedans, là, vous n'avez pas me dire trut. Non, non, pas trut. Il y a un trut. La trut de Schubert. Exactement. Ok, si les croupiers sont là avec les jeux. On fait les comptes. Effectivement, ils faisaient les comptes immédiatement pour savoir combien ça faisait 7 plus 3. Casino. C'est parti, on fait tourner la boulette ici. Ah non, c'est même pas vrai en plus. La Sky. Oh là là, il se cache. Regarde s'il se cache. C'est vrai qu'ils ont tous un ange gardien. Hein. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. Le petit secret des petits verres. Ouais, du sud-africain, c'est l'ange gardien. Mais il n'y en a pas un, ils mettent un grand devant et un petit derrière, et là tu ne sais pas d'où ils sortent. Ouais, c'est un peu t'en cacher un autre, rappelez-vous. Et là, c'est un grand ballon remonté par James Cooker. Ouais, James Cooker qui va le récupérer magnifiquement. Ouh, c'est bon ça. Allez, Gall, joue comme tu sais le faire. Joue comme tu sais le faire, même si c'est pas fait. Mais est-ce qu'il y a Shen? Google, vous êtes sur Google. Et vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, un peu partout. Hein, mais le joueur vedette joue là, Shen. Ah, j'ai mail au rein. D'accord. Tout de suite. Oui, il joue Shane Williams, Jacques. Shane on you. Oh. Ah, qu'est-ce que vous êtes con. En tout cas, c'est Gall qui nous régale. Ils ont du mal, ils ont quand même du mal à monter, à inverser des défenseurs sud-africains, les gênent énormément. À mon avis, il serait grand temps de passer par-dessus la défense avec un petit coup de pompe et de récupérer ce ballon discrètement. Allez, Gall, vas-y à fond. 20 minutes de jeu déjà, qu'est-ce que ça passe vite ce matin. 10 à 3 pour l'Afrique du Sud face au, bien sûr, Pays de Galles, mais qui se remue. Bien, comme il faut. Hein. Qui se remue, même. Qui se remue au travail. Qui se remue au mur. Exactement. Ah oui, voilà le petit coup de pied en direct. Ça, c'était pas une faute. C'était très mal joué. D'ailleurs, quand on. L'idée était bonne, la réalisation était merveilleuse, comme celle de Jean-Louis hier. Alors là, hier, on a atteint des sommets. Et pendant ce temps-là, les Gallois ont joué la touche très rapidement. C'est peut-être la solution pour eux d'emballer un petit peu le jeu et de faire galoper à mort les Sud-Africains. Attention là, ils ont des fois du jeu de jambes pour match de boxe, j'ai l'impression. Alors que ce sont juste les Springboks, pas de la boxe. Faudra que je vérifie tout ça, Jacques. Aussi. Je vais m'y mettre. Il est là, ton Shane, là. Shane, il est chou. Ouais. Ouais. En fait, il gagne souvent, du coup. Il est également cool, Shane, il faut le rappeler. Oh, pourquoi pas. Hein, je nique ta mère. Bien sûr, bien sûr. J'agenda ton père. Oh, ouais. Écoutez, c'est à la semaine 38 que vous pourrez vérifier cette phrase. Le ballon est là. Moi, est-ce que il est là, ton Shane. Enchaîne. Juste été vert, j'aurais dit j'agenda 21. Et attention, là, il y a un petit vert dans le rouge. toujours, bien sûr. Et je pense que les Gallois vont finir par marquer quand même. Hein. Oui, même si la défense sud-africaine est féroce, féroce, Springboks. Bien sûr. Oh, mais elle tient son rang. Alors, bravo, Jacques, avec Os, qui justement le ton. Le ton. Oui, mais il est tombé bien bas là aussi, mais retourné par le petit vert qui vient de derrière. Enchaîne est là. Ouais. Enchaîne Williams. Et par-dessus, les gars, par-dessus. On vient de recevoir donc. Chocs, pour l'arbitre, vous nous proposez également levrette en levrette, ou l'inverse d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que vous faites. Ouais, on ne sait plus là, quelle est cette position. C'est quoi que quelle vous est voulez cette position. En tout cas, c'est un arbitre qui se tient droit. Hein. Ouais, ça c'est monsieur, effectivement. Très à cheval, même, on pourrait dire. Oui, je ne sais pas, pourtant je trouve que la tenue ne lui va pas du tout. Il n'est pas assez. Alors, dis-le, bam, tiens. On l'appelle monsieur Grizzly Horse, m'indique-t-on dans l'oreille gauche, mais on me dit le contraire, l'oreille droite. Ouais, donc, Jean-Louis, change tout. Non, change-toi surtout, Jean-Louis. Change-toi, parce que là, vraiment, c'est une honte. Hein. Et puis le string, ça se met dans l'autre sens. Donc là, les jetons sont jetés. Les dés sont jetons, c'est ça, Jacques. Alors, 23 minutes, 23-3, 23-4, 23-3, tout s'est arrêté. Oui, ici, c'est la sécurité. Effectivement, les essais avec Vatel faire quelque chose. C'est la Formule 1, nous sommes à l'hôtel Formule 1, effectivement, enfin. Où nous nous réveillons gentiment. Et ça discute dans les Sud-Africains. On est tous des Springboks. Et Barbu, man. Ken est Barbu. Alors c'est vrai, magnifique coupe, il est parti chez... C'est rare, regarde, c'est quand même atypique comme joueur. Il me rappelle les joueurs à l'ancienne un peu, tu vois. Un peu petit, gros, un peu négligé sur lui, mais super sympathique quand même, tu comprends. Il me rappelle un peu ces joueurs à l'ancienne. Avec la petite bouteille, là, dans le short. Jacques, c'est pas la bouteille, là. Le ballon est récupéré par Peperovic. Bon, il sait pas trop. Il voulait passer par Twickenham, mais finalement, comme c'était bouché, il est revenu sur London. Le ballon est là pour les Gallois. Galapagos. Galapagos, surtout, parce que là, il n'avance pas. Il y a 10-3, c'est un score un petit peu fermé, alors qu'on attendait de cette Coupe du Monde des envolées. Qui c'est qui siffle, là? Et je vous repeins les toilettes, avec. Non, nettoyez-le seulement, monsieur. Ok. Oui, bah, si on fait, par, fait avec J.P.R. Williams. J.P.R. Williams qui cherche Garrett Davis. Il l'a trouvé, je Garrett, crois. Ouais. Cigarette Davis maintenant. Et non, c'est non, dégagé. Non, oui, non, c'est petit vert. Ouais. Ah, petit vert, tu sais qu'il est, il est sérieux, petit vert. Regarde-le, regarde-le. 144 kilos de muscles. Gros plan sur les, le Pee-wee de Galles. Non, Jackie, Jean-Louis, non, faites quelque chose, Jackie. Jean-Louis ne m'écoute plus. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Non, l'arbitre est en train de le dire. Hein. Je suis parti par là-bas, je te retrouve. Venez tous après moi, c'est le jour du Seigneur. Vive Austin Power. Oui, enfin, le jour du Seigneur, suivant qu'on ait de la croix en bas à gauche ou de la croix en haut à droite, enfin, suivant la croix, quoi. Oui, aussi la croix WC, mais ça, il faut faire attention avec. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur l'arbitre, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du changement de chaussures ? Non, il montre sa nouvelle chorégraphie, je crois. Oui, il s'en va. Ah, là, il enlève le dentier qui est blessé, donc il ne peut pas continuer. Ouais. Et finalement, il cède sa place à un partenaire, mais n'ayez pas peur, celui qui rentre est pratiquement aussi fort que celui qui sort. Oui, c'est Double Williams qui rentre. Avec cette touche rapidement jouée au ras de la touche elle-même. Oui, qui est elle-même, et ça sort. Elle-même au ras du terrain. Ah, la touche, ouais, c'est très précis là. Alors on est bon là. Oh là là là là, par contre sur le ballon, lui il est plutôt foireux. Il va récupérer, oui ou non. Heureusement, son partenaire intervient et relance magnifiquement d'un grand coup de pied dans le ballon qui finira en touche. C'est minable. Alors à la mi-temps, hein, vous aurez droit à DJPS, hein, dont nous n'avons pas tout à fait les coordonnées, mais qui ne saurait tarder. Je ne relève pas, hein. Par contre, la touche était contestée une fois de plus par celui-ci. Et la mauvaise interprétation de la trajectoire du ballon. Et heureusement, le partenaire est là pour récupérer et pour dégager. Mais les Springboks sont au sein de l'angle. Ils vont marquer si ça continue. Il y a 10 à 3 hein, pour l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Il y a 10 à 3. Et intervention magnifique de la défense galloise. Oui, ça bastonne effectivement là dans le Far West. Tcha tcha. À qui est ce cheval ? On dit whisky, on dit ce qu'on peut, mais en tout cas on distribue le ballon. Les petits verts s'enfoncent dans le rouge. Il l'a perdu et si l'arbitre ne revient pas à l'avantage pour les Sud-Africains, non, il va le laisser jouer. C'est gentiment fait et c'est les bon. Gallois vont pouvoir se dégager, mais pas directement puisqu'il a rentré le ballon dans les 22 mètres. Il était dans les 22, c'est ça. En tout cas, sacré coup de pompe, effectivement. Ah oui, il oblige le défenseur sud-africain à faire une connerie. Oh, oh là, là, oh là, là. Deux conneries. Le ballon a été tellement secoué qu'il a retrouvé l'état sauvage. Ah oui, le ballon apprivoisé, c'est terminé. Ah, dis donc, on peut revoir ça, Didier. Oh, dis donc, Didier. Dis qui c'est. Ah, pam, pam. Ah, dis donc. Alors là, ça. Alors là, il est mal. Là, il est mal. Là, il s'en sort pas trop mal. Oui, non, là, il est merdique. Et là, il en peut. Oh là. Oh, ralenti, c'est terrible. Oh, il était pas à la teuf hier soir, lui. Non. On l'aurait vu quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas grand. Donc, on aurait vu personne d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, les ongles. Mais oui, il s'est pas fait les ongles ce matin. Ça, il ne veut pas jouer. Les ongles pas faits. La gale attaque. La galactique, pour l'instant. Si. Un petit peu. Ça continue, nous sommes dans les 22 mètres sud-africains. Il serait bien que les Gallois marquent un petit essai. 26 minutes 35, et non, ils sont pénalisés pour être allés au-delà de ce qu'il est permis de faire. C'est-à-dire, ils sont passés devant le ballon. Ce sera donc un dégagement tranquille pour les Sud-Africains. Et je vous retrouve tout de suite à la cave. Où nous allons tous ensemble aller peut-être chercher le premier jingle de cette confrontation. On me dit non, de suite. Si, on peut l'avoir, mais c'est vrai que le jeu est intense, si je puis dire, comme le café que je viens de boire. Merci Jean-Louis. Oh, comme c'est beau. On se réconcilie. Est intense. Au moins, est-ce qu'on se réconcilie ? Ah, quelle leçon vous nous donnez. Caleçon, bravo. C'est Jacques, t'as été applaudi par le staff sud-africain. Ah oui, mais tout le monde s'en va du coup. Non. C'est vrai, quand il n'y a plus de conflit, quoi, les gens, ça n'intéresse pas. Revenez, public. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive ? Un coup de coude dans la machine, vous allez voir, ça va repartir. Le public est ainsi fait. Sifflet. Radio Sparts. Et intervention de monsieur Bamoche, pour que non, monsieur Bamoche, allez, allez, ça ira comme ça pour aujourd'hui, on va pas s'exprimer, chercher non partout, hein. Il y a du vent, hein. Moi je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez dénié, contredit, que sais-je encore, mais j'ai vu un poteau penché là, au centre du terrain, avec un petit coup de vent quand même. Oui. Vous me le confirmez. Oui, effectivement, il y a un léger. Par contre, le drapeau n'en tenait pas compte, hein, Jacques, il est en bois, le drapeau, donc effectivement, il est toujours dans un sens ou dans l'autre. mêlée. Et les Gallois sur la mêlée ne sont pas assis, même s'ils s'écroulent. Non, ils veulent la laisser jouer, monsieur. Ah non. Et donc le concombre magret de canard vous est proposé donc sur notre page trouduculinaire.fr. Quelle sauce, Jacques? Sauce poivre vert madère. J'adhère pas du tout. Ça m'a l'air particulièrement dégueulasse, ton plat. Non, sérieusement. Et on voit un barbu et... Oh, il te l'a défoncé. C'est du sérieux. 10-3, 28 minutes et 30 et quelques secondes de jeu ici. Et pénalité cette fois-ci pour les Gallois. Ah oui, monsieur, vraiment, je considère que c'est les Sud-Africains qui poussent avant les ordres. Non, et puis maintenant, ils croulent, mêlée, merde. Chier, merde, mêlée. Ça pourrait changer la donne. On tient le cliff bounce pour l'arbitre. Et pénalité cette fois-ci pour les Gallois. Ah oui, monsieur, vraiment, je considère que c'est les Sud-Africains qui poussent avant les ordres. Non, et puis maintenant, ils croulent, mêlée, merde. Nous réécoutons pour voir si le son est bon, hein, comme ça. Ça va. Nous n'avons même plus à compter sur vous pour nous le dire. Très correct, voire très co. Alors qu'est-ce que ce sera, Jean-Loup? Jean-Loup, j'en vends, j'en achète. Jean-Loup ralentit de père en fils. Jean-Loup, un vrai professionnel à votre service. Just the sport, Jean-Loup. Cette touche pour Galles, ils ont été contestés sur ce domaine, il faut qu'ils s'appliquent et donc ils étaient droits. Un bon sauteur, voilà qui est fait, avec une petite balle galloise, la combinaison. Oh là là, mais il gagne son terrain celui-ci, là, à chaque fois qu'il attaque. Je trouve qu'il perd fort et fort. Ça va mieux. Et encore, on remet ça à côté gallois, bien sûr. Ouais, on avance, Jacques. Attention, il s'est isolé, Pépère. Là. Il y a de la faille, hein. Mm-hmm. De Noé, très exactement, de la faille de Noé. On écoute le commentaire gallois, vite. C'était la pub. Ça, oui, mais ça a perturbé les Gallois qui en ont fait un en avant. À moins que l'arbitre vienne une position de hors-jeu. Oui, visiblement, c'est une position de hors-jeu de la part des Springboks et ce serait une pénalité. Non. Ah ben non, ils vont prendre les 3 points. Là. Ah bon? Ah ben bien sûr. Ça se prend. Ah ben oui. Enfin, moi je pense. Ça se comprend. Ben oui, il faut prendre les 3 points là. Ça va. Sur le coup, j'étais encore là. Mais non. Ou alors ils sont fous furieux, véritablement, et puis ils vont à la mi-temps. Non. Ils vont prendre les 3 points, bien évidemment. Les 3 points qui ne sont pas tout à fait faits, mais qui ne sont pas loin de l'être. Oui, madame, oui, non, écoute, non, madame. Qu'est-ce que vous faites, Jacques? Mais c'est que ça pousse ici, je regarde le public, magnifique, avec des petits drapeaux et beaucoup de strings, les string box, hein, qu'on connaît très bien. Ah oui, qui sont tendus. Hein. Jean-Louis, est-ce que je peux avoir le score de l'auditeur? Je veux le score de l'auditeur, là, voilà, je veux savoir qui, le dimanche matin, ne branle rien. Je veux surveiller ces gens. C'était pas mal, mais c'est pas Radio Sports, c'est Radio Sports Plus. Est-ce que vous pouvez réessayer? Merci. Thanks. Merci pour ce jingle anglais. Ouais, on est traduit en simultané cast, bien sûr, pod. En simultané même parfois. On remercie. Bon, cette fois-ci, On remercie tout de suite ombilical.org, oui. Mais bien sûr Vincent 3.0. Jean-Louis, tu y vas, tu filmes ça bien. Ça, c'est rugby, un bon rugby, angle, rugby, Jean-Louis. Ça c'est du rugby, bon, voilà. T'as enfin compris comment on filmait les pénalités de connard. Sa race. Non, c'est vrai, t'as été dégueulasse sur les pénalités, Jean-Louis. Tu le sais, tout le monde te l'a dit. Même à l'anniversaire hier soir. Allons, Jean-Louis, tout le monde en a parlé. Un anniversaire, hein, de tout petit. Anniversaire donc. Ah, on l'avait déjà dit. Et vous savez que le pays de Galles revient. Oui, 10, on l'avait déjà dit, ça 6. 10-6. Un récupération drunk. Ah, ça, c'est une belle récupération. Ça, c'est joliment fait, Coco. Mais ils sont joueurs, hein, ces Gallois. Hein. Ils sont joueurs, ouais. Ils sont coquins, ils sont fripons, polissons. Je me demande s'ils sont pas un peu les libertins du rugby, les Gallois. Non, mais ils jouent. Regarde, chaque fois, ça. Ils jouent soudain. Non, regarde ça. Regarde ça, mais j'adore ce qu'ils font. J'aime ce jeu où on se passe à la bagarre. Ils sont bons à la bagarre, Oh là là, ils sont légèrement troublés, les Sud-Africains, sur ces ballons qui arrivent. Alors peut-être effectivement, Jacques, il y a du vent en l'air, ça modifie la trajectoire du ballon, et ça bouleverse la perspective du joueur. Oui. Qui a toussé là? Qui ne toussait pas derrière? Tous avec nous alors. Mais oui, attention, Jean-Pierre Brive. Oh, Jean-Pierre, oh, brave, hein, Jean-Pierre, brave, effectivement, brave Earth. Sorti Springboks, Spring 16-9e, bien sûr, dès mercredi prochain dans toutes vos salles. Il continue, c'est un peu la bataille du ballon pour l'instant. Il y a du ballon, bien dit. Oui, bien sûr. Oui, sans flamand. Oui, les vallons. Oh, quelle belle cette balle, il peut la mettre. Oui. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il n'avait pas le pied, lui, si c'est pas plutôt une bêlée à 100 mètres, là. Hein. Ouh, c'est litigieux. Chaque vous me confinez qu'on est bien. Vous me confinez. Ah oui, oui, bon, ça, pour te confiner, ça y est, tu y es. Non, je veux dire, on est bien en direct de Wellington. Je ne sais pas. Écoute, Wellington, non, non. Il me semblait bien. En tout cas, c'est bien deux équipes de rugby, ça. Je suis chez François Auckland. Ah ouais. Je te transmettrai les informations dès que je les aurai. Et au bris de mots. C'est renvoyé par le Pays de Galles. Relativement raison, même si... Taisez-vous derrière, hein. Ou alors, faites-vous entendre correctement. C'est là, ça y est, le Springboks qui sait plus quoi faire. Là. Il se tenait, il ne savait pas s'il fallait reculer, avancer. Ah oui, galère. C'était hein. Un peu, ouais, ah, ouais, c'est, ouais. Ouais, avec Sharks. Ah, Wells, avec Sharks. Ouais, ouais. Wells et Sharks. Orson Wells, même peut-être. Wells. Ok, avec Jimmy Armstrong. Oui, c'est tranquille, hein, pour l'instant, ça, c'est le ça, jeu des box. Ça avance, ça alors avance. Qu'ils ont quand même derrière de sacrés coureurs, comme celui-ci. C'est ça, mais il faut qu'il soit lancé tout de même. Oh, c'est bien fait, c'était très bien ce qu'il avait fait, il est obligé de lâcher la belle pénalité. Bravo, super bien contesté ce ballon par le défenseur gallois. Et ça donne la possibilité aux Diables Rouges, car ce sont les Diables Rouges. Ah oui, tout à fait, là, ils sont en train de retourner le vert tranquille qui avait commencé cette partie tout à fait bien. Mais là, 10 à 6, 4 points d'écart entre ces deux équipes, les Petits Rouges qui remontent, ça fait du bien. Tu n'es qu'une chaîne. Ouh, on s'infiltre. Hein. On sent le filtre. Hein, oh, si, je le vois pas, moi, en tout cas, de près. C'est parti. Tout à l'heure, merde, tout ça. Ouais. Ça raffute. Hein, le raffut avant était pas. Hein. Et le raffut est devenu nu. Oui, merci pour depuis, cette précision. Oui, Mystique Jacques, regardez s'il peut écarter sur le côté. C'est plus du raffut, c'est du refus. Et puis en plus, il récupère la balle. Tu vois, le geste intelligent. Mec, il se donne, il se met des coups de boule, mais il continue. Ah, ben c'est ça, là. Jouer. C'est ça. Un sport de dur. C'est fou. On revoit là cette action des Twin Towers. Non, s'il te plaît, Jacques. Ah non. S'il te plaît, hein. Pas de ça aujourd'hui. Ce n'est pas le jour. C'est trop bien. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le jour. Ah, on avait une publicité hein, pour... Il reste moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. Écoutez, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous auriez pu me prévenir, j'arrive à peine. Je n'ai rien vu de cette première période. Combien il y a? Écoutez, je vous envoie un jingle, Jockey. Bon. Sportaz. Tout euphorique et optimiste, leader de la haute technologie. Washga. Sportaz. La performance, reprise cette année, a déclenché un sursaut d'espoir. Washga. Sportaz. Spectaculaire. Washga. Washga. Oui, non, d'accord. Ouais, mais j'étais dans j'ai suivi ce jingle, j'ai écouté non, avec attention. Washga. J'étais même mon gars. Et pendant ce temps-là, le jeu a repris ici sur la pelouse d'après Jacques. Nous sommes à Wellington. Hein. Maintenant, on va essayer de voir ça, après, où c'est marqué. Vous êtes nombreux. Il y a bien un panneau où ça doit être marqué quand même où on est. Hein ah, ils ont bien des panneaux de signalisation aussi en Nouvelle-Zélande. Non, il y a beaucoup de. On le voit. Hein, c'est sur les boutons qui décrivent la direction. J'ai les mirates qui dératent. c'est... Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de publicité. Ah, oh, la vieille saloperie qui m'a sorti. Alors, oui, non, mais attendez, oui. J'ai été ouvrard il y a longtemps. Jean-Louis, tu nous fais un plan large, s'il te plaît, là, parce que le gros plan, j'en peux plus. Le gros plan, c'est un peu lourd, digérer. Arrête, hein, Jean-Louis, là, fais un plan large. Voilà, merci, Jean-Louis. Là, d'ailleurs, ça... si tu as la mi-temps digéré, je prends. Et ils sont là, hein, c'est l'équipe de France, hein, le staff français qui est resté encore sur qui n'en revient pas. Qui regarde l'avion hein, quand ils ont quitté la France. Hein, ils essaient d'être bien dans cette Coupe du Monde en étant sûr qu'ils y sont. Alors là, nous touchons le fond. touchons le fond de l'explication. Veuillez nous excuser. Nous allons retirer cette phrase du podcast. Il y a un vieux stock. Ah, pénaliser les Gallois, pour c'est difficile parfois de savoir pourquoi on est pénalisé au rugby. C'est tellement compliqué, madame, vous savez. Ouais. On voit avec c'est la vie de tous les jours. Le TFC donc, qui a dégagé ce... ballon du côté du Congrès. TFC qui est allé gagner. Hein, chez Daniel. Oui, chez Daniel, hier soir même. Ouais. À la belote, au rami et au poker. C'est bien passé. Bon jeton. Bon jeton vous-même, oui. vous-même. Ouais. Ou pas, gros vert. Là, je pense qu'on va sortir le gros vert Washington. Et là, c'est parti avec des petits nions. Petits nions, tu dis ? Ah, c'est au petit nion. Le mal. Ah oui, oui. Et puis, tu vas voir les petits troncs maintenant. Oh là, mais il y a un monstre, là. Il y en a un, il est monstrueux, là. Jean-Louis, surveille celui qui est au sol, là. Je ne sais pas, mais il doit faire 6 mètres et 800 kilos. Je n'ai jamais vu un joueur de cette... Allez, sortie de balle, poireau légumes. Bonne petite soupe, là. Hein. Ah petite oui, soupe. Oui, oui. Je ne suis pas potage. Avec velouté de louche. Toi et la cuisine, on sent que ça fait vraiment deux quand même. Le ballon est repris par les Springboks qui conservent le cuir et qui vont essayer maintenant de le drop. Non, non, trop court, trop loupé, trop fort. Mais ça peut devenir une balle de but, ça. Ça pourrait devenir, voilà. Du Seigneur. Le public, bien sûr. Ah, le public aussi, pardon. Que nous respectons profondément, en qui nous croyons, toi, public. D'ailleurs, je vous ai demandé un chiffre tout à l'heure, je n'ai toujours pas eu. Hein. Oui, mais moi aussi, je vous ai demandé un chiffre. Je n'ai toujours pas eu le chiffre, j'avais mon chiffre. Donnez-moi mon chiffre du jour. J'en ai plus. Ah, c'est la surprise. Non, dégagement. Gallois. Le Gallois Perret. Qui dégage maintenant avec une récupération de Sarcelles. Vous êtes la onzaine avec Sarcelles. Ça relève un peu le niveau. Ça recèle un peu aussi. Oui, oui, le ballon est allé très très haut. Il est redescendu dans les bras gallois. Magnifique, magnifique réception en pleine de sûreté et de sérénité. Bravo Coco. Ouais. Je le dirai et je le redirai. Bravo Coco. Embrasse ta sœur. tu l'as pas vu, ça, c'est vraiment pas. Tu dirais pas ça. Le ballon est dans les mains galloises qui vont pouvoir se dégager. Il faudra le faire tout de suite. Dégage-toi. Viens me rejoindre derrière le poteau. Mais c'est étrange, les petits verts n'ont pas essayé de récupérer ce ballon. Alors ils se disent qu'ils le récupèrent au bout du compte. Ah ouais, voilà, maintenant tout le monde là, se le délivre. Attention, c'est le ballon qui va sortir. Il est sorti devant ou il est sorti derrière le... Derrière. Ouais, quoi, maintenant on dit ça, mais. Ah non, mais ça veut dire que c'est très bon pour les Gallois, puisque... C'est ça, puisque, il est sorti directement. Et voilà, pas mêlé, tout à fait directement, mais il est... Au centre du terrain, pratiquement. Bravo, je mets du là où le coup de pied a été donné. Bravo, Jacques, c'est une excellente opportunité pour les Gallois. Et la dernière minute de cette première mi-temps de ce premier tour de la Coupe du Monde Afrique du Sud, Galles 10 et 6. C'est pas fini, parce qu'il ne s'est passé quelque chose. Oui. Mais j'en reprends. Bon, on y va. Allez, les gars, messieurs, faites-vous cette mêlée, là, il y a du monde qui attend. Qu'est-ce qu'il lui tient, là ? Il tient le maillot. Ah, bon. Par contre, là, il prend la tête. Il faut bien s'appuyer quelque part dans une mêlée qui peut être dangereuse. Il faut sécuriser tout ça avec les Gallois qui sécurisent, les pompiers qui font le tour du pâté de maison. C'est pas mal fait, ça, de la part des pompiers qui progressent. Et oui, qui progressent. Et Greg. Mettre le feu, c'est marrant parce que ce sont les pompiers qui mettent le feu dans la défense sud-africaine. Les pompiers gallois et Jimmy. Qui sont là avec le capitaine George. Ouh, il éclabousse tout le monde, hein. De sa classe. Ah, c'est le départ du 100 mètres, visiblement, qui va être donné dans quelques instants. Avec ce ballon récupéré par les gallois. Là, c'était plutôt le festival des vieilles charrues. Là, c'est la... sans la pluie. C'est la dernière offensive, la dernière cartouche pour cette première période au bénéfice du prince Charles. Et on va peut-être tenter tout simplement le drop, voilà. On va tenter le drop de loin. C'est déchirant. C'est à côté, c'est mi-temps entre les deux formations. Smith-temps. Johnny Smith-temps. Ouais, ouais. Et Wesson. Même si l'arbitre fait semblant de ne pas nous entendre. Monsieur l'arbitre. Il court bizarre cet arbitre. Eh bien, oui, c'est la mi-temps ici, donc à Wellington, d'après Jacques. Et ce sont les Sud-Africains qui mènent 10-6 après avoir ouvert le score très rapidement. Et sur TF1, on perd pas de temps. Le temps, c'est du pognon. Et à midi, c'est du rognon. Sportas 7-3-3, nous revenons de loin. Unis tout en s'attaquant aux talibans. De touche. Allez. On a quelques messages quand même qui arrivent, et Massados qui se déchaîne. Massados qui se déchaîne, il nous dit que le son et nous sommes excellents, il est gentil pour commencer la journée. Et ensuite il a eu James Book quelque part, qui a un bon coup de sabot. Oui mais qui a pris le large. Allez, à touche de suite.